Un deuxième contingent qui groupe 1000 Algériens sera acheminé demain vendredi par bateau à partir de Marseille. Sur les manifestants arrêtés, des tracts du FLN ont été trouvés. Ils lancent des appels à de nouvelles manifestations de femmes et d'enfants, celles-là pour demain soir vendredi. La police s'emploie maintenant à séparer les agitateurs des véritables travailleurs. En outre, la police procède à un sévère ratissage dans tous les quartiers où de nouveaux incidents pourraient se produire.